Eh bien, les 8h18, et Patrick Dion est auteur, chroniqueur et rédacteur de l'émission Cliquez à TV5. Bonjour, Patrick. Bonjour. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qui te déprime c'est comme ça ce matin? En fait, je ne suis pas déprimé, mais j'ai un petit peu de tweet-tweet au cœur parce qu'on a tourné la dernière émission de Cliquez hier. Alors voilà. Dernière, voilà, après deux saisons, nous tirons notre révérence. Ah oui. Alors, je ne suis pas triste, c'était une belle aventure, mais passons à autre chose. Mais tu pourras poursuivre avec nous ton aventure sur le web. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. De toute façon, il y a tellement de choses à parler. Et Patrick, le sexe fait toujours vendre, et là, c'est une web-série qui le confirme une fois de plus. Ben, en fait, depuis une semaine, on est vraiment bombardé de projets et de pilotes pour de nouvelles web-séries. C'est parce que le Fonds indépendant de production demande qu'on dépose un pilote avant le 1er mars et après ça, il évalue dans la communauté la réponse de ces pilotes à ces pilotes-là. Donc, une de ces web-séries-là qui s'appelle « À quelle heure le sexe a retenu mon attention, mais aussi retenu l'attention de la communauté », c'est un concept de 10 épisodes qui mise sur le terme le plus recherché du web, et je parle pas ici de Marc-André, idole d'une génération, mais bien du fameux vieux mot « sexe », probablement le mot le plus vieux sur la Terre. Alors, la web-série propose de rassembler le talent de 10 auteurs différents qui devront écrire chacun une scène qui tourne autour du sexe, mais ce qui est amusant, c'est à une heure différente. Donc, le sexe du matin n'est pas nécessairement comme le sexe du soir. Entre autres, on se brosse les dents, c'est déjà au moins ça. Et les auteurs qu'on a approchés pour cette web-série, c'est pas n'importe une qui. Une belle brochette. On parle de Louis Morissette, Marie-Cécile Labrèche, Évelyne Lachenelière, Stéphane Dompierre, Les Appendices, India Desjardins, Kim Lizotte et quelques autres. Vraiment, c'est... Mais là, attends, on va avoir un épisode d'Évelyne de Lachenelière et de l'autre côté, un épisode signé Les Appendices. Mais tout le monde joue aux fesses, hein? Tout le monde peut écrire. Ça risque d'être deux genres complètement différents. Oui, mais bon, tant que ça tourne autour du sexe, je pense que c'est pas mal le concept de l'émission. J'ai très, très hâte de voir ça. En fait, si vous avez vu la bande-annonce sur le web qui a été montée en typographie animée. C'est vraiment génial. C'est très annonciateur. Donc, ça s'appelle « À quelle heure le sexe point d'interrogation » et on peut s'attendre peut-être à cette série pour l'été, quoi. On n'a aucune idée. En fait, c'est tous des projets pilotes. Alors, mais en sachant qu'il y a une belle brochette d'auteurs comme ça, c'est un projet qui risque de voir le jour. Mais c'est le Fonds indépendant de production qui subventionne cette série-là qui va décider. Une application qui s'appelle Qtoto, une application qui nous permet de faire appel à notre voisinage pour toutes sortes de services à la maison. Oui, exactement. On sait que pour exécuter une tâche, ça prend deux choses, du temps et des connaissances. Des fois, tu as du temps et des fois, tu as des connaissances. L'application qui permet justement de mettre des gens en contact pour exécuter des tâches. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as envie de faire tondre ton gazon, mais tu n'as pas le temps de le faire, alors tu peux générer une demande sur cette application ou sur ce site web qui est Qtoto, qui est une entreprise québécoise d'ailleurs, qui est aussi une application qui est gratuite. Donc, tu pourrais faire une demande, dire par exemple, ben moi, j'aimerais ça faire couper ma pelouse, qui serait disponible pour un certain montant à venir le faire. Alors, c'est un échange de services entre deux personnes. Concrètement, l'application tourne autour sur une carte de points qui sont délimités par des pins pour justement dire, par exemple, dans l'ouest de l'île, j'ai tant de personnes qui cherchent à faire tel type de tâche. Il y a 7 catégories, entre autres livraison. On a aussi, mon Dieu, qu'est-ce qu'on trouve? Bouffe aussi, travaux et entretien. Il y a 7 catégories comme ça. Et on peut délimiter nos demandes et ces tâches-là par catégorie. Et j'imagine que ça peut aller jusqu'à des services quand même assez professionnels. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la plomberie, par exemple? Ah, mais en fait, il y a de la plomberie, il y a de la photographie aussi. Il y a vraiment aussi des trucs hyper loufoques, comme j'ai trouvé une demande qui était « Je cherche une personne pour ramasser une veste de cuir à Hamilton, dans le coin de Toronto, et venir la livrer à Brossard. » Alors, c'est vraiment des services de tout genre, mais je trouve ça super intéressant. J'aime beaucoup le concept. Ben, j'adore, moi aussi. C'est ce qui a retenu mon attention, d'ailleurs, dans ta chronique ce matin. C'est vraiment intéressant. Qtoto, donc Qtoto. Exactement. Le seul bémol, c'est que malheureusement, le site ni l'application n'est pas disponible en français, et même si c'est Montréal. Je trouve ça un petit peu aberrant, mais bon, on va se croiser peut-être les doigts que ça soit fait en français. Et finalement, un dictionnaire participatif en ligne pour créer des néologismes. Ouais, ben moi j'aime ça. J'aime ça inventer des trucs. J'aime tellement ça écrire des nouveaux mots. Puis je pense que je suis pas le seul parce qu'il y a même quelqu'un justement qui a eu l'idée de créer le dictionnaire des verbes qui manquent, qui est un site collaboratif qui invite les internautes à proposer leurs propres verbes. Donc on en trouve vraiment de tout genre. J'ai vu le verbe trolloler, c'est-à-dire exprimer une hilarité excessive, qui est certainement en honneur du célèbre trololo. Je sais pas si tu veux nous en faire une petite tranche, là. Tu viens pas du trololo? Non, ouais, c'est la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la est maintenant accepté oui. dans la langue française, mais pas le verbe Facebooker. Facebooker, non. Je sais pas pourquoi. Ou mais, googler mais, encore. Mais comment? Googler. Googler, il n'est pas accepté. Je sais pas. Ça sera à vérifier, non? Je suis pas certain. On va mettre Christian là-dessus. On va mettre Christian là-dessus. mais à part des verbes loufoques comme ça, il y a quand même des choses hyper intéressantes, comme j'ai vu, entre autres, le verbe dithyrambée. Je trouve ça absolument génial, comme faire une critique dithyrambique, c'est dithyrambé. Ou encore autrucher, c'est-à-dire se foutre la tête dans le sable. Autrucher. Autrucher. Fait que, mais ça vois, sent un mot qui sera banni éventuellement à l'Assemblée nationale à Québec. Ça. Ah, ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Arrêtez de vous autrucher, monsieur le ministre. Ben, de toute façon, ils sont pas là. Fait que... mais c'est très, très, malheureusement, c'est très franco-français. Là, on voit que ça provient de Paris. Mais c'est quand même très amusant. Ben oui. Et est-ce qu'on peut en créer nous-mêmes? Ou oui, c'est... absolument. Oui. Ils demandent, c'est vraiment, c'est participatif. Alors, si d'accord. tu veux soumettre un verbe, tu peux le faire. Donc, c'est un peu comme le Urban Dictionary, finalement. Là. Oui, mais sauf qu'en plus, le dictionnaire des verbes qui manque est disponible en version numérique ou papier. C'est donc un document officiel qui existe. Maintenant, c'est pas officialisé par la langue française, mais c'est quand même un document qui existe. Et si on veut se le procurer, il est disponible. Et on parle de 256 verbes répartis sur 320 pages. C'est quand même... Alors, c'est quoi l'adresse? Mon Dieu, c'est assez complexe. C'est les dictionnaires des verbes qui manquent point quelque chose point com. Alors, de toute façon, on va mettre ça en ligne sur la page Facebook. Ça risque d'être plus simple. Mais Patrick Dion, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Je te laisse aller vivre ton deuil. Je vais aller pleurer chez nous. Je te laisse aller vivre ton deuil de cliquer. Oui, c'est ça. Merci. Salut.